Et puis bon, on va enchaîner direct. On commence notre espèce de programme habituel, comme ça, à la radio. Tu as les sourcils froncés, Antoine ? Que se passe-t-il, Antoine ? J'avais envie de suggérer un petit changement de programme. Oui, c'est bien. À la dernière. À la dernière. Vas-y, mais ça faisait plaisir. Si on allait à la piscine ? Mais moi, j'aimerais beaucoup aller me baigner dans le Rhône, à vrai dire. Donc, si on pouvait plier ça. Non, mais c'était... Je crois qu'on a une définition du jour qui concerne un petit peu le magnétisme ou l'électromagnétisme, et puis je me disais que ça pouvait être une transition assez intéressante, assez élégante. C'est hyper malin, merci de me renvoyer la balle, parce qu'effectivement, comme définition de... elle est où la balle? Là, comme définition... Hop, elle est là, la balle, elle est là. Ok, comme des... Mais ça y est, on peut se détendre. Attendez, on est détendu. Bon. Oui. Donc, la définition du jour que j'avais à proposer, effectivement, en lien avec une partie du travail de Christina Kubisch, qui était donc notre invitée, au cas où vous ne l'aviez toujours pas compris, c'est le mot magnétisme. Il y a donc la définition physique du magnétisme qui se trouve être l'ensemble des phénomènes produits à partir d'une substance, d'un corps soumis à un champ d'induction dû à un courant électrique ou un aimant orientant de manière plus ou moins sensible le mouvement des électrons des atomes, cette orientation suivant les corps étant de types différents, diamagnétisme, ferromagnétisme, paramagnétisme, etc, etc. Et là, c'est le moment où vous endormez. La définition physiologique, c'est donc là, on parle maintenant de fluide magnétique, d'accord ? Le fluide magnétique d'une personne qui est censé pouvoir utiliser sur une autre personne à des fins thérapeutiques ou divinatoires. Mais non. Mais si, hein, mais c'est là, incroyable. Tu crois qu'on se partage nos fluides magnétiques ? Ou comme Céline Dion, quand elle chante, elle a aussi du magnétisme. Ça marche pour ça ? Céline, ah ouais, où es-tu ? Oui. Peut-être pas. Je ne l'ai pas vu. Les places coûtent trop cher. C'est pas grave. Ah non, il est assez haut. Le magnétisme au sens figuré, les amis, je crois qu'il n'y a que nous qui sommes dérangés par les bruits de couloir. Hein. J'espère que vous ne les entendez pas. Non, je pense que ça ne s'entend pas. Merci de poursuivre votre discussion. Merci ailleurs. De poursuivre votre discussion aux toilettes. Nous sommes à l'antenne. Ou à la cantine. Il y a des gens qui travaillent, en fait, ici. Voilà. Mais c'est pas grave. Il ouais. y a Tom qui hein, court à la rescousse. Parce que bon, c'est la directrice, oui. N'est-ce pas ? Encore la Janson. Marie, un petit mot pour la radio aujourd'hui. Attends, j'ai pas fini. Non, petit mot. Pardon, on est occupé. J'ai pas fini. Ma définition. C'est un jour sur deux. Et on a déjà assez entendu là. Mais d'ailleurs, en parlant de magnétisme, n'est-ce pas, au sens figuré, Marie, le magnétisme, c'est aussi la fascination et l'influence intense et inexpliquée qui s'exerce sur quelqu'un ou quelqu'une et qui émane de ceci. Voilà. Qui émane de quoi ? Bah de la personne en question qui est fort magnétique. Et de quelle partie de cette personne ? Des sourcils. De la moustache. De la moustache. Ou des oreilles. La narine, ou peut-être sans doute. De la veste. Rouge d'Antoine, par exemple. Mais après, j'avais envie d'encore vous saouler un tout petit peu avec ce truc de magnétisme, parce que là, j'ai un peu énuméré tout ce qu'il y avait sur CNRTL.com. Mais on parle de ça parce qu'on parle en fait aussi de bande magnétique, n'est-ce pas ? Et puis en fait, la bande magnétique, comme vous le savez, c'est un ruban de film plastique enroulé sur une bobine, voilà, et une face de cette bande est recouverte d'une fine couche de matériaux magnétiques. Et là, c'est très mystérieux. On y écrit en modifiant l'orientation de l'aimantation de ce matériau. Voilà. Et donc, ça peut être ce matériau tout simplement, une poudre d'oxyde ferrique, n'est-ce pas, mélangée à un liant de fixation ainsi qu'un lubrifiant sec. C'est hyper mystérieux. C'est astucieux. Hein. C'est très astucieux. J'ai toujours pas exactement compris comment ça fonctionnait. Mais où trouve-t-il toutes ces idées? C'est quand même génial. Oui. Hein. Moi, j'y aurais jamais pensé. Jordan Bardella est avec nous aujourd'hui. Voilà.